C'est parti. Allez. Pourquoi je me suis demandé par quoi on commence. Mais est-ce que déjà, est-ce que tu te présentes? Parce que je pense que les gens quand même qui vont écouter ça vont plutôt te connaître, mais tu veux peut-être dire deux mots au cas où des gens tombent là-dessus par hasard. Moi c'est Axelle Cazeneuve, j'écris des jeux queer parce que je suis queer, basiquement. Et donc j'ai écrit ce GN Passage, qui sera organisé pour la première fois en octobre avec le consulat d'Islande, mais ça j'en parlerai en fait, ailleurs. Et ben voilà, j'avais envie que Leïla vienne me poser des questions sur ce jeu pour que je comprenne moi-même plus de choses sur ce jeu que j'ai écrit. Voilà. Moi j'ai envie de classiquement commencer par parler du titre. Passage, du coup c'est passage au singulier. Là, pourquoi c'est passage au singulier? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai constaté empiriquement que tous mes jeux avaient un titre en un seul mot. Du coup, je me suis dit, il me faut un titre en un seul mot. Maintenant, ça va être mon marque de fabrique. Ensuite, passage, c'est à la fois un passage à l'âge adulte, dont traite le jeu, en fait. C'est un rite de passage, donc là, toujours au singulier. Et en plus, il y a le passage physique dans le monde des esprits, qui est un peu le cœur dramatique du jeu, c'est le passage dans le monde des esprits. Donc il y a vraiment ce truc-là. C'est un rite de passage qui est à la fois le passage métaphorique à l'âge adulte et le passage alors physique au sens où il y a vraiment un déplacement qui s'effectue vers un monde autre, donc le monde des esprits, qui lui-même est un monde métaphorique, enfin qui en tout cas signifie des choses de façon métaphorique, mais voilà, donc d'où le titre passage. Est-ce que tu as réfléchi au double sens du mot passage aussi? C'est-à-dire? Ben, en tout cas, si on le décompose en deux mots au lieu d'un. Passage, oui, ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est... Ça m'amuse, c'est une plus-value, on va dire. C'est une plus-value sur le terme, mais oui, clairement, ça marche aussi parce que le but du jeu, c'est aussi de... C'est un jeu anti-hétéronormativité, d'accord. Et donc, il y a un peu ce côté-là de ne pas se conformer aux standards, notamment aux standards hétéro et aux standards de la féminité hégémonique, quoi. Donc c'est un double sens heureux, on va dire. Et puis le jeu parle aussi de masturbation. Oui, c'est vrai que la masturbation, c'est passage. Bah, en tout cas, t'as raison. Il y a quand même encore du tabou. Ouais, c'est vrai. Et surtout pour les filles. Effectivement, ben, j'y avais pas pensé, et tout à fait. Est-ce que tu permets que je raconte une anecdote adolescente sur la masturbation Oui, tout à fait, je me suis retenue de raconter une anecdote adolescente sur la masturbation, donc vas-y. Ben, du coup, tu pourras partir la tendre, mais justement, moi je me souviens très bien de ce tabou à un moment en troisième, où on a joué à un truc d'action-vérité dans ma classe, et qu'il y a eu une question sur la masturbation et qui se masturbait en gros. Et tous les garçons sauf un ont dit qu'ils se masturbaient. Et c'était la honte pour le mec qui se masturbait pas. Et moi je suis la seule des filles à avoir dit que je me masturbais. Alors que je savais qu'il y avait d'autres de mes copines qui se masturbaient et qu'elles en avaient parlé en plus. Mais en public c'était pas possible de le dire. Du coup, bah moi j'étais vachement gênée ensuite. Et puis je me suis sentie vachement aussi laissée tomber par les autres filles. Il y avait ce truc de qu'est-ce qu'on est autorisé à dire et à montrer de ça. J'ai pas de souvenir aussi marquant que ça sur justement le sentiment de on n'a pas droit. Par contre, par rapport à ce jeu, j'ai vraiment peur que en publiant le jeu là, je me prenne un gros tollé parce que j'ai parlé de masturbation adolescente. Et j'ai vraiment peur de me faire traiter de perverse ou de. J'ai vraiment peur qu'on me reproche des trucs de l'ordre de. Du voyeurisme, de parler de thèmes genre la corruption de la jeunesse presque, tu vois, genre Socrate, je vais boire ma ciguë et tout, tranquille. Et j'ai peur de la façon dont le jeu va être reçu en tant qu'événement, en fait. Même pas des personnes qui vont participer, je pense que je trouverai quand même un public. Je sais pas quel sera le public, donc pour l'instant, c'est vrai qu'il y a aussi ce doute-là, genre qui va venir s'inscrire à ce jeu. Mais j'ai peur de le mettre, de le rendre public. Bon, si j'avais pu l'organiser par bouche à oreille, je ne l'aurais quand même pas fait, parce que j'ai envie d'avoir un statement politique de Ceci est un jeu sur la masturbation et sur le passage sur l'adolescence et la socialisation féminine. Mais même si politiquement ça m'intéresse de le mettre en avant et de l'assumer, c'est pas facile quoi. Mais toi, t'as envie de l'adresser à qui, ce jeu ? C'est vraiment une question compliquée. J'ai pas envie de l'adresser. Dans le sens où je pense que la plupart des personnes qui vont vouloir participer, c'est des personnes queer, afab, qui auront vécu l'adolescence de façon un petit peu chiante, parce que pas pouvoir, notamment quand t'es une fille attirée par les filles, pas pouvoir exprimer cette attirance-là, ou pas savoir comment le faire, ou même faire l'expérience du rejet par rapport à ça et tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir une large partie du public qui va être plutôt ces personnes-là, quoi. Donc avec vraiment le côté retour sur expérience et refaire de façon positive une expérience qui a pu être négative, parce que c'est quand même un jeu que j'envisage comme un jeu assez positif. Alors j'ai du mal à dire feel good parce que je sais que mes jeux sont pas feel good dans le sens où on va pas vraiment sortir avoir une grosse euphorie, mais plutôt de l'ordre de un sentiment assez positif sur l'expérience, pas vraiment forcément un truc vraiment, vraiment good comme ça, donc je pense que ça va être ce public-là. À qui je l'adresse, c'est vraiment à moi-même. C'est-à-dire que c'est un jeu un peu... pas cathartique, c'est pas le terme, parce que ça fait quand même assez longtemps, j'ai fait la paix avec cette partie-là de ma vie, quoi. Mais c'est presque un jeu hommage à la personne que j'étais, à mes copines aussi de l'époque. Forcément, les personnages sont inspirés de façon très mélangée, donc il n'y a vraiment pas un personnage, c'est telle personne et tout ça. Mais j'ai quand même tiré des inspirations de mes copines à l'époque, de mon expérience de l'adolescence et tout ça, donc c'est plus un jeu, une mise en art biographique, on va dire, que quelque chose que j'adresse à un public, en fait. Ça, j'espère que le public va me trouver, mm-hmm. va se trouver dans ce que... Parce que je pense que ce que je vais raconter, c'est une expérience qui est quand même pas... qui est vécue par d'autres personnes, et notamment les afab queer qui ont été ados à un moment. Mais c'est avant tout un jeu que j'adresse, que je fais pour moi, en fait. Ben, du coup, sur cette thématique-là, qu'est-ce que tu as vécu, toi, comme expérience de design ? Quelles sont les émotions qui t'ont traversé quand tu as créé ce jeu ? Alors, c'est rigolo. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé ce jeu ? Alors, qu'est-ce qui l'a trigger ? Bon, déjà, j'avais eu l'idée, quand j'ai écrit Naïve, justement, pour l'appel à contribution de Sharon Biswas avec la fondation Effing, j'avais donc sur des jeux artistiques érotiques, j'avais eu une idée que j'ai pas poussée à ce moment là mais ça fait parmi les idées que j'avais noté, il y avait le fait d'écrire un jeu sur la masturbation féminine, et notamment sur la découverte de la masturbation, en tout cas sur la masturbation des jeunes filles, quoi. Et donc ça a été un peu un point de départ, et ensuite je regardais la série Atypical. Je vais faire des spoils sur cette série, du coup. Y a deux personnages féminins qui... come on. C'est-à-dire que c'est évident qu'elles ont un crush l'une sur l'autre, et elles ont ce truc-là d'être super proches, et il y a plusieurs moments où tu sens qu'il y a des choses qui se passent entre elles, mais jamais elles l'assument. Et en fait, pendant plusieurs épisodes, il y a ce truc-là où, pour moi, c'était vraiment douloureux à regarder. Et j'ai vraiment sur la gueule, mais c'est douloureux à regarder, quoi. Je ne veux plus voir des gamines se tourner autour comme ça, alors qu'elles sont très clairement amoureuses l'une de l'autre, sans avoir la possibilité d'exprimer, quoi. Donc j'ai commencé à écrire ce jeu à ce moment-là. Ce qui a suscité l'écriture de jeu, c'était vraiment de frustration et de colère par rapport au fait de toujours de cette représentation-là des filles qui sont copines, machin, qui sont super proches et tout, mais qui vont pas être sexualisées dans leur relation et qui vont pas avoir des sentiments amoureux, ou qui vont pas être lus comme amoureux. Avec l'idée de l'amitié fusionnelle entre filles, elle est possible, mais c'est pas de l'amour. Du coup, ça me donne l'impression ouais, d'une résolution de tension ouais. Et de ce qui n'a pas existé et de ce qui de ce que tu pensais qu'elle n'allait pas exister dans la fiction, en tout cas, que tu regardais. Du coup, des pyjama parties, parce que c'est le cadre, ça se passe pendant une pyjama partie. T'en as fait, toi, quand t'étais ado? En fait, j'avais un groupe de copines très soudées. Et c'était vraiment, sachant que c'est un groupe qui a commencé fin collège, quoi. Et ensuite, au lycée, on n'était plus ensemble. En tout cas, on était répartis sur deux ou trois lycées. Et donc, on a eu ces 2-3 ans entre la fin de quatrième et la fin de la seconde, globalement, où on a continué à se... Enfin, on s'est pas mal vus, alors qu'on n'était pas au même niveau. Il y en a qui étaient encore au collège, d'autres au lycée, pas dans le même lycée et tout ça. Et où on a eu cette socialisation-là, qui était, dont l'apogée était dans le fait de faire des soirées pyjama, en fait. Pour revenir sur la masturbation du coup qu'on évoquait tout à l'heure, comment t'en parles du coup et pourquoi tu as décidé d'aborder ce thème dans ce contexte-là ? Comment j'en parle, c'est compliqué. Pour le coup, la masturbation est quelque chose que moi j'ai pas découvert, mais que certains ont découvert pendant ces soirées-là, en fait. Donc où il y a eu ce truc-là de en discuter et puis se dire bon ben qu'est-ce que ça fait, et puis dans la lumière et chacune dans notre coin et tout ça, et avec ce truc là de c'est un peu une expérience un petit peu burlesque finalement de l'érotisme où on sait pas par où commencer, donc on commence par quelque chose qui finalement n'est pas érotique au même niveau pour tout le monde. Il y a ça aussi, je pense que c'est un truc que j'ai envie de montrer. C'est pour ça que j'ai vraiment cette métatechnique de la masturbation où donc on va caresser sa propre main, en fait, qui est un peu pliée et tout ça, pour... parce que je trouve que ça ressemble quand même vachement à une vulve, c'est sympa, tu vois, niveau esthétique, ça me plaît. Et donc je pense que justement, c'est... il va y avoir un côté assez gauche, du fait même que c'est une métatechnique, alors que finalement, si je demandais aux gens de se masturber dans la vraie vie... je suppose que la plupart l'auraient fait de façon régulière, quelque part. Ou peut-être pas régulière, mais en tout cas, que ce serait quelque chose qui serait... qui aurait pas le même caractère d'étrangeté. Donc moi, j'ai envie qu'il y ait ce caractère-là, un peu d'étrangeté et de... Ouais, de un peu maladroit, un peu nouveau, et un peu... Et où on se sent un peu bête, peut-être, aussi. C'est quelque chose qui déjà, n'est pas obligatoire. Je pense que il faut qu'il y en ait quelques-unes qui en parlent, qui peut-être essayent, etc. Parce que c'est un peu mon passage, pour le coup. C'est-à-dire que c'est à travers la masturbation qu'elles vont ouvrir le portail des esprits. Dit comme ça. Il y a un atelier qui s'appelle Le Jules. Et c'est un atelier où les filles vont imaginer un crush, un mec sur lequel elles crush, quoi. Ou plusieurs, ou enfin... Et en fait, cet atelier-là, il a pour intérêt, enfin, en tout cas ce que je lui prête, c'est de créer un peu un artefact de le mec, quoi, qui va toujours extérieur, qui participe pas du tout au jeu, et en fait, dont on va se détacher, en fait. Le fait d'avoir ce Jules, c'est manifester que tu, dès super jeune, en fait, tu ressens la pression à l'hétéronormativité, machin, et avec ce truc-là du prince charmant ou quoi. Et le jeu vise à s'en détacher. Et finalement, la masturbation, c'est le premier pas vers l'autosuffisance, quelque part. T'as parlé du monde des esprits. C'est ouais. Quoi ce monde des esprits ? Dans la légende de Korra, je fais que spoiler des séries aujourd'hui, c'est bien. La dernière scène de la dernière saison de la légende de Korra, c'est Korra et Azami qui, après avoir été rivales et justement tourner autour d'un mec tout au long de la série, vont se prennent la main et partent ensemble dans le monde des esprits. Et il y a ce truc là de justement elles se détachent du mec globalement. Et en plus il y a un côté dans ce passage qui est à la fois physique. justement, et métaphorique. Et j'avais ce truc-là de j'ai envie de retranscrire ça. Et ensuite, le monde des esprits, c'est dans la légende de Korra, pas forcément dans Avatar d'ailleurs, mais dans la légende de Korra, c'est un monde qui est extrêmement émotif. C'est qui va vraiment imprimer les émotions des personnes qui s'y trouvent. Et donc, c'était un bon alibi pour encourager un autre type de jeu dans le monde des esprits. Et le monde des esprits va être un acte muet, où les personnes vont pouvoir interagir avec... je mets quand même des métatechniques pour demander le consentement, par exemple, si elle veut faire un câlin, etc. Et où la consigne de jeu, c'est le monde des esprits vous exacerbe les émotions que vous pouvez ressentir. Et donc ça a clairement une fonction dramatique d'exacerber les émotions, permettre un autre type d'interaction, etc. Avec le côté de quand il fait... quand on parle pas, on dit d'autres choses. C'est un choix esthétique qui me permettait de faire plein de choses. Et en plus, il y a ce côté-là de... Alors j'en parle dans ma lettre d'intention, mais j'essaie de reproduire ce qu'on va appeler un moment liminaire en anthropologie. C'est-à-dire un moment où on n'est plus d'un certain statut et on n'est pas encore d'un autre. C'est-à-dire entre deux âges, par exemple, avant le mariage, on n'est pas marié. Après le mariage, on est marié. Mais là, par exemple, ce qu'on va appeler l'enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille, c'est ce moment où on n'est ni marié ni pas marié, et où finalement les règles qu'on a dans les deux cases sont pas valables. C'est ce moment de transition où on reconfigure totalement les normes, et où on peut plus aussi facilement que ça dire tu es un tel, tu fais cela, ou ça c'est ton rôle, ça c'est ta place dans la société, et tout ça. Et donc liminaire, ça vient de limen qui veut dire le seuil, l'hymen en un seul mot. Et donc il y a vraiment ce côté-là de le seuil vers vraiment un autre monde, et le fait d'avoir un vrai monde des esprits, un vrai changement de statut à travers ce truc-là, ça me permet de vraiment mettre en valeur ce changement profond qui peut se poser là, plutôt que juste bah, elle se masturbe et le lendemain elle se dit ah, on est différente, ça marche moins bien. Et du coup le jeu il se finit quand elle revient? Alors le jeu, il se finit le matin, quand elle se réveille. C'est-à-dire que elles en reviennent, elles dorment, globalement. Et ensuite, le matin, quand elles se réveillent, elles ont encore la possibilité d'aller enregistrer face caméra, en fait, toute seule, un épilogue. C'est-à-dire, justement, pour permettre de clôturer leur personnage, ses émotions, etc. Et pour que chacune puisse décider individuellement de sa fin de jeu, quelque part. Et pas qu'il y ait un débrief en mode « Ouah, c'était trop fou, il s'est passé quoi ?» et tout. Ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intérêt de l'expérience émotionnelle. Donc en fait, après le monde des esprits, elles vont dormir. S'il y en a quelqu'une qui reste à discuter, c'est pas un problème, du moment qu'elles en aient pas les autres, quoi. Mais à partir du moment où elles vont dormir, quelque part, l'arc entre personnages est fini. Et l'arc du personnage se finit à travers la possibilité de l'épilogue. Je trouve que c'est pas facile de jouer le dimanche matin. Ouais. Donc est-ce que... Genre cette caméra, tu comptes la mettre accessible juste à partir du réveil? C'est une bonne question. En fait, je sais pas matériellement encore où sera cette caméra, en fait. Très bêtement. Je ne sais pas où il y aura une petite pièce dans laquelle je pourrais mettre une caméra. Je me disais que je ferais ça le matin parce que j'ai vraiment envie qu'elle qu'elle rêve en jeu quelque part, quoi. Qu'est ce truc-là de... on est encore en train de... Le moment où on va se coucher, c'est aussi le moment où nos personnages vont se coucher. Alors que si on fait l'épilogue avant, la nuit, il y a peut-être un peu moins ce truc-là de... Ce truc de s'endormir avec l'expérience. Ouais, c'est ça. T'as évoqué très brièvement le fait d'avoir... une métatechnique pour demander le consentement dans le monde des esprits. Est-ce que tu veux développer un peu cette question de la sécurité émotionnelle, physique des participantes sur ton jeu? Le truc de base, c'est que globalement, les participantes sont plus importantes que le jeu, hein, de façon générale. Donc, il y aura une safe zone avec une personne ressource qui sera à dispo. Il y aura aussi, dans la safe zone, il y aura aussi du thé, de la soupe, pas des trucs. Enfin, peut-être pas de la soupe, ça dépend si j'ai une marmite à soupe pour la garder chaude, mais en tout cas, un truc. J'aimerais bien qu'il y ait un truc chaud à manger, parce que le repas ça va être en fait comme une soirée pyjama, donc des chips, des crocodiles. C'est ça exactement, des chips, des bonbons, des brownies Carrefour. Et donc il y aura cette safe zone-là avec une personne ressource qui ne sera pas moi. Je précise parce que je pense que c'est vraiment important que la personne qui organise, qui va être déjà en PLS globalement, parce que c'est l'organisation, voilà, et qui en plus a un investissement émotionnel par rapport au jeu, soit pas la personne qui soit une personne ressource, quoi. Donc ça veut dire qu'il y aura une personne dont l'identité est encore totalement dans le néant qui assurera cette position-là. Ensuite, moi je mets l'accent sur le fait que j'aime bien que les gens se demandent le consentement verbalement. C'est pour ça que j'aime pas trop dans les jeux, même les safe words, je trouve que c'est mieux quand les gens disent « Ok, moi je peux plus jouer, là je m'arrête », que dire « cut ». Parce que je trouve que c'est important aussi d'apprendre aux gens à dire les choses. Donc le safe word, pour moi, il est là au cas où, mais je préfère quand les gens vont se sentir de dire « Ok, c'est pas possible pour moi ». Au niveau sécurité émotionnelle, il y a aussi le fait que les personnages sont bienveillants les uns avec les autres. Il peut y avoir des conflits interpersonnels sur des petits trucs, mais pas du tout sur des identités, par exemple. Globalement, les personnages, même si peut-être Machine, elle la saoule parce que c'est un peu une m'as-tu vu, bon, ben, il va pas y avoir d'attaque ad hominem, il va pas du tout y avoir de racisme, d'homophobie, de transphobie, etc. Donc ça, c'est un truc que j'ai qui est directement dans le jeu, quoi. Et pour le consentement, globalement... si jamais t'as envie de faire un câlin à quelqu'un, tu lui demandes. Et ensuite, j'ai fait des méta-techniques pour, essentiellement pour le monde des esprits, qui consiste à faire sur soi-même l'action que tu veux recevoir. Par exemple, donc toujours avec le contact visuel, si jamais tu veux faire un câlin à quelqu'un, tu regardes, tu établis le contact visuel et tu te prends dans tes bras. Et ensuite, la personne a le choix de soit elle se prend dans ses bras en mode « bah écoute, je te fais un câlin métaphoriquement, mais je te fais pas un câlin toi », soit elle peut tendre les bras et faire un câlin... juste t'as posé les épaules, quoi, et c'est un câlin de loin, on va dire. Soit elle peut faire un vrai câlin, du moment que, enfin, puisque la personne a signifié qu'elle voulait un vrai câlin. Et si jamais tu veux faire un truc un peu moins intense qu'un câlin, tu peux juste, par exemple, te frotter l'épaule, et la personne va justement avoir un contact plutôt main sur l'épaule, ce genre de choses. Pareil pour les baisers, j'autorise les baisers non simulés, avec le truc de si jamais tu veux un baiser, tu vas prendre ton menton entre ton pouce et ton index. Et si c'est un vrai baiser que tu demandes, tu fais juste ça. Et si jamais c'est un baiser simulé, tu mets le doigt sur la bouche. Et si jamais la personne en face, si tu proposes un vrai baiser, si la personne en face elle est ok pour un vrai baiser, bah, elle peut te faire un bisou. Si elle est pas ok, elle met son pouce sur la bouche et ça fait un baiser de théâtre, en fait. Et avec ce truc-là de à la fois se protéger soi et quand même, je trouve que c'est des mécaniques qui se... Alors, si je dis c'est des mécaniques assez élégantes, c'est moi qui les ai faites, mais en tout cas je trouve que c'est assez peu intrusif, et notamment dans le monde des esprits où il y a ce truc-là de l'exacerbation des émotions et tout ça, je trouve que c'est des choses qui passent bien, parce que c'est ok d'avoir justement des mimes, en fait, des choses physiquement plus expressives, parce que c'est un monde muet. Et est-ce qu'il y a des attirances qui sont préécrites entre les personnages ou c'est quelque chose que tu laisses complètement à l'appréciation des participantes ? Alors j'ai écrit des sous-textes. C'est-à-dire que je ne dis pas Machine est amoureuse de trucs. J'ai écrit des sous-textes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnages qui ont des relations plus proches. Mais est-ce qu'elles sont meilleures amies ? Est-ce qu'elles ont un crush ? Est-ce que c'est réciproque ? Est-ce que c'est pas réciproque ? Ça, c'est totalement à l'appréciation des joueuses. Et de même, j'ai fait ça avec les identités. Il y a des personnages qui ont des sous-textes trans. Mais c'est un sous-texte. C'est-à-dire que c'est la joueuse qui va voir si elle se sent... si elle voit dans son personnage, justement, un personnage qui en fait est un mec trans, par exemple, ou pas du tout. Si c'est un personnage qui est une meuf trans, ça marche aussi, etc. J'ai fait ça aussi, j'ai mis des sous-textes de handicap. En me disant justement j'ai envie que des personnes qui arrivent avec des handicaps notamment puissent projeter ces choses là dans leur personnage si elles en ont envie. Alors des fois il y a des sous-textes, mais voilà, pareil, hein, si y a un personnage qui n'a pas de sous-texte et qu'en fait la joueuse veut le rajouter, c'est possible, mais j'ai quand même mis des sous-textes pour que ce soit plus facile de se projeter pour certains personnages. J'ai pas forcément trop envie de détailler à quel type de handicap j'ai pensé en les écrivant, mais en tout cas les personnages j'ai écrit les personnages avec des choses comme ça. J'ai aussi écrit des personnages avec une idée que c'est peut-être des personnes racisées, mais sans l'imposer sur la joueuse. Mais voilà, j'ai mis des sous-textes. Et à la base, je voulais détailler les personnages. Après, je me suis rendu compte que si je les détaillais trop, ça allait être compliqué de garder ces sous-textes en sous-textes. Et que j'allais devoir les expliciter ou que j'allais devoir faire des choix que j'ai vraiment envie de laisser aux joueuses. Sachant qu'il y a pas mal d'investissements en amont du GN de la part des joueuses. Je vais leur demander de faire des ateliers chez elles, en fait, où elles vont écrire, par exemple, quelques pages de journal intime de leur personnage. Ou la constellation relationnelle de leur personnage. Donc, et réfléchir... qu'est-ce que tu penses d'elle, de machin, de bidule. Donc, il y a quand même pas mal d'investissement de la joueuse dans la création du personnage. Il y a une période spécifique ? C'est moderne, non daté globalement. J'ai pas envie qu'il y ait des smartphones, donc je mettrai quand même pas de smartphone. Ce qui veut dire pas les années 2010. Mais à part ça, clairement, c'est plutôt... Dans ma tête, c'est... Je l'ai écrit avec mon adolescence à moi, donc c'est plutôt années 2000. Ouais. C'est... Quel âge j'ai ? Ouais, dans ma tête, ça va être à la fin des années 2000, je suppose, j'en sais rien. Enfin, bon. Mais globalement, c'est moderne dans le sens où j'ai écrit que parmi les activités possibles, elles peuvent regarder un film, elles peuvent faire ce genre de choses. Et puis si c'est Netflix, c'est Netflix, si c'est des DVD, c'est des DVD, ça va dépendre aussi de... C'est un jeu que je mettrai à disposition pour l'organiser. Je sais pas si je le mettrai à disposition ou je le mettrai en prix libre ou quelque chose comme ça, mais bon, bref. Donc, selon les organisations, ça pourra changer. Il y a des gens qui voudront peut-être justement que ce soit vraiment plus, avec un cachet années 90 très marqué, d'autres plus flou. Moi, je suis plutôt genre fin des années 2000 avec assez un côté assez lâche, quoi. Là, tu parlais des activités. Est-ce que tu as envie de dire un mot, de préciser qu'est-ce que les personnes vont faire pendant le jeu? Alors, avant le passage. Ouais, des trucs de soirée d'adolescente quand même. le premier atelier, en fait, c'est un briseur de brise-glace où moi je serai pas là. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir globalement un pot à crayon avec des questions dedans. Des questions, à la fois des questions du type c'était qui ton premier amoureux ou ta première amoureuse, et des questions sur pourquoi tu veux participer à ce jeu, etc. Beaucoup de questions un peu embarrassantes sur l'adolescence. Et avec cette idée-là, pendant ce truc-là aussi, je vais les encourager à justement partager est-ce qu'elles connaissent tel jeu, est-ce qu'on faisait le jeu de la bouteille, le machin. Je pars du principe que tout le monde a été ado, donc tout le monde a des jeux nuls à jouer en soirée. mais voilà, je... Pour qu'elles amènent en gros elles-mêmes un peu le contenu de ce qu'il y a. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je leur demande d'amener des objets pour meubler la chambre, d'amener donc à chacune, je crois que j'ai demandé un livre, une œuvre fictionnelle, quoi. Un doudou, enfin, un truc, un plaid, un coussin, une peluche, je m'en fiche, enfin, un truc un peu réconfortant et un peu graphique aussi, imposé, et un bibelot, je crois. Donc des objets auxquels s'attache de l'importance et qui sont aussi des starters de conversation, quoi, quelque part. C'est un peu des grosses nerds tous mes personnages, j'ai essayé de les dénerdifier un peu, mais j'ai pas réussi. Non, effectivement, à quelques exceptions près, ça se sent. Tu m'en sers un peu, s'il te plaît ? Ouais. Donc, tous tes personnages sont féminins, et la question de la non-mixité ou de la mixité, tu l'as pensé un peu, a priori ? Est-ce que tu peux en parler ? Ouais, alors au début, je me suis posé la question, justement, de est-ce que je voulais organiser ça en non-mixité sans homme cis, quoi, globalement. Je suis pas trop chaude non mixité à la base, mais je me suis dit peut-être c'est un jeu pour lequel c'est important que des personnes puissent retrouver en non mixité. Je pense toujours que c'est possible. Néanmoins, vu que j'ai prévu pour l'instant une seule session pour des raisons de fatigue, j'ai pas envie de l'organiser coup sur coup, donc je vais pas pouvoir planifier dès le départ deux sessions. En fait. Si je réorganise une deuxième session, ce sera probablement plutôt en 2021 quelque part, quoi. Donc j'ai dû faire un choix. J'ai fait le choix de la mixité. Parce que j'ai un peu fait un sondage et globalement les personnes concernées par la non-mixité étaient plutôt globalement sans avis ou ça pouvait les intéresser de jouer avec des personnes qui ne sont pas plutôt des mecs cis, quoi, globalement, puisque c'était l'idée de la non-mixité, c'était quand même voilà. Ensuite j'ai toujours un problème avec la non-mixité parce que j'ai quand même envie que des personnes qui sont pas out puissent venir participer et profiter de l'expérience. J'ai envie que quelqu'un qui soit IRL en tant que qui apparaissent comme un mec cis et qui soit pas out en tant que non binaire ou en tant que trans, etc., puisse venir et profiter de cette expérience là dans sa tête en étant genrée au féminin tout le week-end par ailleurs, parce que les personnes sont genrées au féminin en dehors du jeu. Puis même sans être à out, même à soi, enfin dans le sens où le gène il ouais. propose aussi des expériences comme ça qui permettent aux gens de se rendre compte des fois de vers quoi ils ou elles ont envie d'aller. Ouais, c'est ça. Pour ça. Et que effectivement ça peut être facile. Ouais. Ouais, clairement. C'est pour ça que j'ai quand même fait le choix de la mixité. Après j'ai choisi ma mixité, c'est-à-dire que j'ai mis alors il y a 8 personnages et je crois que j'ai mis au maximum 2 mecs 6, au maximum 3 meufs 6 et au minimum 2 personnes trans ou non binaires. Okay. Pourquoi au minimum? Parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir la configuration où t'as 6 meufs 6 et une meuf trans, et où 6 meufs 6 et une personne non binaire, etc. Ou même des meufs de 6 ou trans et un seul mec 6, etc. Parce que j'ai pas envie que qui se sent un peu de sentiment de solitude. J'ai envie j'ai pas envie qu'il y ait une forme de crispation qui puisse s'évacuer parce qu'on se sent un peu seul, quoi. Surtout sur des trucs assez intimes comme ça. Donc même les mecs 6, en fait, j'ai dit au maximum 2 mecs 6, mais ce sera en fait 2 mecs 6. Soit 0, soit 2. Okay. J'ai pas envie j'ai pas envie de générer un malaise parce que le gars qui aura eu le courage. Voilà, j'ai kické la table. Le gars qui aura eu le courage de s'inscrire en se disant ça m'intéresse, voilà, il se trouve mal parce qu'il trouve pas de personne pour relate ou il se sente pas autorisé à dire des choses, tout ça. Donc voilà, je vais essayer un peu de faire ma cuisine de sorte que dans le casting il n'y ait pas une personne qui soit la seule représentante de son genre, quoi, globalement. Ok. Ouais. Je sais pas comment ça va marcher. Je sais même pas si des mecs 6 s'inscriront, honnêtement. Parce que les personnes qui ont répondu que ça pourrait les intéresser, c'est beaucoup de... je trouve ça ouf, mais je me sens pas habilitée à faire ça, quoi. Il y a eu la question de la non-mixité. Ah oui, c'est le spoiler que je voulais pas dire avant, qu'il fallait pas que je dise avant d'allumer. Il y a eu la question de la non-mixité masculine, c'est-à-dire le fait de proposer ce truc-là en non-mixité masculine. Et en fait... Donc j'ai répondu à la personne qui m'a proposé ça, ça ne m'a pas effleuré l'esprit, merci de me pointer cela du doigt. Et en fait, la raison pour laquelle ça ne m'a pas effleuré l'esprit, c'est que je ne suis pas un mec 6, j'ai fait l'éducation, mon éducation adolescente, mon adolescence, vraiment, même en étant queer, clairement queer, on va dire, je n'étais pas spécialement très très cis, mais en tout cas, j'ai été... le monde des garçons m'a été complètement interdit, on va pas se mentir, on va dire les choses comme ça, là. Un petit côté revanchard comme ça qui se... bien. Donc en fait j'ai juste aucune idée de comment ça se passe l'adolescence pour les garçons, et je vais pas, je ne saurais pas à quel point il faudrait que j'adapte le jeu en fait, parce que clairement, autant moi j'ai jamais été hyper tactile et tout ça, autant entre filles c'est ok de se faire un massage, c'est ok éventuellement de se faire un câlin, il y a plein de choses qui sont hyper ok. Je dois m'accrocher à une amie. Et... chez les garçons, c'est pas possible, ça. T'imagines 8 mecs qui se regardent en chien de faïence pendant toute une soirée parce qu'ils sont censés avoir des conversations intimes et s'en sont incapables structurellement. Et aussi, le truc de on n'a pas du tout envie d'être caricaturaux, donc on va jouer des jeunes filles. Et du coup, en termes de passation, de trucs, ça marche pas trop. Ouais. Pour le coup, le passage est pas ouf, quoi. Ouais, ouais. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant « cela n'arrivera pas ». Mais l'expérience de pensée était intéressante. Et puis alors, je trouver 8 personnes pour jouer passage, ça n'a pas forcément été facile. Alors, trouver 8 mecs pour jouer passage. Moi, je pense que ce sera facile de trouver 8 personnes pour jouer passage. Ok, cool. Merci de croire en moi. Et du coup, question un peu pragmatique, tu vas l'organiser dans la région de Toulouse, ça va coûter combien? Alors du coup, je vais l'organiser chez mes parents, donc au sud de Toulouse, et ça va coûter 15€ a priori, avec une possibilité de payer une PAF solidaire à 20€ pour créer un tarif réduit à 10€. Sachant que si, mettons, 20€ c'est quand même pas beaucoup, pour pas mal de gens, c'est pas beaucoup. Donc, s'il y a 4 personnes qui payent 20€ et 2 personnes qui demandent un tarif réduit, le tarif réduit sera à 5€ par exemple. Okay. C'est-à-dire que je vais. C'est ça. Donc, je vais continuer à diminuer le tarif réduit. Si, en fonction des apports. C'est ça. Et comment une personne intéressée s'inscrit ou en tout cas demande à participer? Je vais faire très classiquement un événement Facebook avec le consulat des Islandes, qui est donc l'association toulousaine dans laquelle j'organise ça. Ça sera, il y aura un formulaire d'inscription, un Google Form. On pourra le trouver aussi sur mon site directement, donc larpinprogress.com. Voilà, il y aura une page pour le jeu. La maison, elle est comment en termes d'accessibilité pour des personnes qui auraient des handicaps physiques? Elle est pas ouf. Ouais. Tout le jeu sera au rez-de-chaussée, mais il y a une micro-marche entre la salle de la chambre et le monde des esprits, quoi, globalement. Ça sera au rez-de-chaussée, parce que justement, j'ai quand même envie que ce soit possible. Mais néanmoins, voilà, il y a ce truc-là, il y a un peu des micro-marches à cet endroit-là. Pour rentrer dans la maison, il y a une petite marche aussi. C'est un peu galère, mais on s'adaptera. On fera de notre mieux, en tout cas, pour s'adapter. Peut-être que ça sera un petit peu compliqué si c'est une personne qui a un fauteuil vraiment large, par exemple, parce que justement les toilettes peut-être un petit peu étroites quand même, je sais pas. Mais sinon, bon, on se démerdera, quoi. L'endroit est pas hyper accessible de base, mais on se démerdera. J'ai une question un peu chiante. La date prévue, c'est fin octobre. Du coup, on sera peut-être toujours avec les mesures sanitaires actuelles pour un jeu qui propose de l'intimité. Et qu'est-ce que t'as prévu par rapport à ça? Est-ce que l'idée, c'est de demander aux personnes si elles sont OK avec le fait de relâcher des règles dans ce cadre-là le week-end? Est-ce que c'est de le reporter? Est-ce que c'est autre chose? Ouais, globalement, si on est dans un cadre plutôt, genre, il n'y a pas trop de risques, mais... donc, c'est-à-dire où toujours les événements privés à moins de 10 personnes sont autorisés et tout ça... Ben ce sera justement, je dirais aux gens, si vous n'êtes pas à risque, et si ça ne vous dérange pas, venez. Si ça me paraît trop galère, ou s'il y a trop de personnes à risque qui devraient les commander, etc., ben je dirais, tant pis, on fera ça un autre jour. Un autre jour en 2022, quand il n'y aura plus le coronavirus, quoi. Parce que le problème, c'est ça, c'est-à-dire que je me suis fait la réflexion, justement, ce matin ou hier, quand j'ai commencé à me dire, ouais, il faudrait que je mette la date et tout, je me suis dit, ouais, ça passe pas du tout en Covid-friendly, ce truc, mais en même temps, le coronavirus va durer probablement longtemps. Donc, je verrai sur le moment, honnêtement, mais j'ai pas envie de ne pas organiser un jeu, parce qu'on sait pas, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, tout ça. Donc, on verra. Du coup, suggestion, peut-être ça vaut le coup de mettre une ligne dans le questionnaire d'inscription là-dessus. Ouais, tu penses que... Je sais pas. Après aussi, le truc, c'est que ça peut devenir un facteur discriminant. Ouais, t'as raison. T'as raison. J'essaierai de rajouter un truc. Je sais pas comment je le formulerai, parce que justement, il y a ce truc-là de... Bonjour, ce jeu qui se situe dans 4 mois ou 5 mois, je sais plus... Waouh, attends, octobre, c'est dans 3 mois? Non. Je vais retourner dans mon déni. 3 mois et demi. c'est le 24 octobre, on est le 17 juillet. Et juillet-octobre, ça communique pas en fait. Mais c'est clair, non, il n'y a pas de. Il y a comme une espèce d'énorme barrière à la fin de l'été. C'est ça, c'est posé là par notre éducation. C'est pas le premier jeu sur lequel t'abordes des questions de sexualité. Ça, c'est un truc qu'on a en commun comme thème important dans nos designs de gènes. Pourquoi c'est important pour toi de parler sexualité? Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ce médium-là en particulier te sert à ça? Là aussi, c'est une question compliquée. Ouais. Je vais commencer par la question du médium. Je me suis impliquée dans le GN. Et donc du coup, maintenant, je ne peux plus en sortir. C'est-à-dire que vu que c'est le truc sur lequel j'ai fait le plus... De contenu et de recherche, etc., c'est celui qui me paraît le plus... qui pour moi est le plus simple à prendre en main quand j'ai envie de parler de quelque chose. Donc il y a vraiment ce truc-là de... j'utilise le GN parce que c'est le plus facile, aussi parce que c'est la narration collaborative. J'ai toujours eu un truc de la page blanche, c'est-à-dire j'ai toujours beaucoup écrit, et en fait, mes personnages m'échappent totalement et je suis incapable de donner des fins à mes histoires. Le GN, c'est parfait, parce que comme ça, je fais des débuts, et les gens font des fins. C'est vachement bien. Voire même je fais des structures, je suis quelqu'un de... j'aime bien les structures, c'est bien les structures. Et les gens mettent des contenus, alors ça c'est fabuleux, donc clairement au niveau du médium il y a ça. Ça c'est du côté pratique de chez moi, mais en plus je trouve que c'est un médium qui permet de mettre vraiment ce qu'on veut. Soi-même, quand on y participe, on vient avec les choses qu'on a envie d'y mettre. Et pour parler de sexualité, c'est des choses qui sont intimes, généralement. Honnêtement, je me pose la question des fois, mais pourquoi cette obsession pour la sexualité, Axel? Vraiment comme objet d'étude, c'est quelque chose que je trouve extrêmement curieux, parce qu'il y a un... à la fois une sursexualisation de la société dans, de son général, et en même temps, c'est un truc d'hyper tabou, c'est super compliqué d'en parler, globalement, tout le monde fait du sexe n'importe comment. Non, enfin, c'est vrai, le c'est un sujet, mais c'est hyper compliqué, on est censé faire semblant qu'on sait faire du sexe, alors qu'en fait, personne sait faire du sexe, tu vois, genre, c'est quoi, genre, on se démerde un peu comme on peut, et les trucs qu'on va trouver de représentation par rapport au sexe sont généralement, mais genre, complètement à chier, et si on se base sur ça pour faire sa sexualité, ça va mal se passer. Donc j'ai envie d'en parler parce que c'est des choses que je trouve importantes. Je pense aussi que j'ai forcément des enjeux personnels par rapport à ça, notamment sur les questions de consentement et tout ça. J'estime que un de mes chevaux de bataille qui me sont tombés du ciel comme ça, c'est la culture du consentement. Et parler de sexualité et faire des jeux où on va aborder des thèmes genre et sexualité et tout ça, c'est aussi un moyen de favoriser une culture du consentement, même si le GN en lui-même fait déjà ça sur d'autres thèmes et tout ça. Et est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à des personnes qui pourraient être intéressées justement par ce thème, mais un peu timides ou un peu gênées Franchement, moi aussi je suis un peu timide et un peu gênée. C'est complètement expérimental, j'ai aucune idée de ce que ce jeu va donner. Je pense qu'il peut être à la fois un fiasco total et ce sera pas votre faute, et à la fois ça peut être un... Je pense que si les gens ont envie de venir, c'est qu'ils ont envie de mettre quelque chose dedans. Et qu'ils ont un enjeu personnel ou un truc, ça les rend curieux pour une raison, quoi. Et je pense que cette raison est suffisante. Et que c'est cette raison qui va rendre le jeu intéressant. La vraie limite, je pense, c'est est-ce que vous êtes dispo dans votre tête pour ce jeu-là ? Et si vous êtes dispo dans votre tête pour ce jeu-là, ben go, quoi. Je pense que si ça vous intéresse... C'est, la curiosité est vraiment une raison valable. Et la timidité est universelle. C'était un peu philosophique dit comme ça, mais franchement, qui ne va pas être timide de jouer un jeu sur... Des gens, acceptent. Des gens. Ils existent. Les gens qui sont pas timides, envoyez-moi un message, parce que peut-être moi si, quoi. Donc ouais, je sais pas. Attends, c'est bien, c'est des gens pas timides au milieu, mais je connais pas les gens pas timides. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que t'aimerais que je te pose là maintenant ? Moi j'ai envie de te demander si tu vas participer. Est-ce que tu penses t'inscrire ? Alors j'aimerais beaucoup m'inscrire. Faut que je regarde la date parce que c'est aussi un moment où j'hésitais à m'inscrire à une retraite de méditation silencieuse de 10 jours. Voilà. Très bien. Bien. Ah bah. On verra. C'est pas la même ambiance. Non. Je pense que. Je préfère Passage, tu vois, mais... En même temps, t'as une méditation silencieuse de genre 2 heures dans Passage. Pas mal, déjà. C'est un bon début. Beaucoup de m'avoir fait parler sous la contrainte. Oui, parce que ouais, vous voyez pas la situation, mais il y a beaucoup de contraintes actuellement.